est arrivé enfin. On t'a appelé au téléphone pour lire ton CV bien. On te fait plein d'éloges parce que t'as l'expérience bien remplie. Ils veulent te voir au rendez-vous, enfin la gala c'est fini. Du coup t'as fait 5 heures de route pour aller à leur rencontre. Même pas de téléphone, ce n'est juste l'heure de leur rencontre. Enfin à peine t'es arrivé et que voilà c'est fini. Ils te racontent que t'es trop jeune pour avoir connu ses acquis. Mais ces enculés au téléphone ils t'ont qualifié d'avoir de l'expérience de ce putain de métier. Maintenant qu'ils te voient j'étais ne peuvent pas t'écouter. C'est des putains fâcheux de jeunes. Pour faire quoi? Alors dis-moi, faut faire quoi?